Un script pour le sketch ou... Non, j'ai décidé d'improviser. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Bonsoir et bienvenue dans Improlix, le podcast d'impro francophone. Je suis Fabien et vous allez entendre un match d'impro audio ou catch d'impro pour les connaisseurs. Un match d'impro est une compétition où deux équipes s'affrontent à coups d'humour, de punchline et de beaux jeux dans des improvisations à thème imposé. Étant le seul à animer cette émission, je prendrai le rôle d'arbitre. Je compterai les points et je sifflerai si faute il y a. Vous pourrez me huer, les chers joueurs, et pour ce cinquième épisode... Quatre merveilleuses personnes vont s'affronter aujourd'hui et quelle très belle équipe. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Pour un épisode un peu spécial sous le signe du retour d'Improlix. Oui, le Covid aura eu raison de moi, je n'ai tout simplement pas réussi à écrire quoi que ce soit. Et vous me direz Skype, mais honnêtement c'est pas pareil hein. Pour ce podcast. Je pense que les invités doivent se voir et je ne sais pas, on est quand même pas mieux là comme ça autour d'une table. C'est quand même super ouais. Bien, oui. Le faciès est inspirant. Alors aujourd'hui nous avons Jules. Bonsoir. Bonsoir Jules. Je suis Jules, j'ai 24 ans, je travaille en région lyonnaise. N'en dis pas trop, on en saura un petit peu plus au fur et à mesure. Donc comment ça va d'abord? Ça va, j'ai 24 ans, je travaille en région lyonnaise. Non, région. ça va très bien. À chaque épisode nous allons apprendre un peu plus sur nos invités. Donc tu as 24 ans, tu habites en région lyonnaise, mais on aimerait savoir quelle est la matière que tu préfères, le métal, l'argile, le bois. Le bois, ouais. C'est ta matière le préférée. Le bois overall. D'accord, ça marche. C'est d'américain. Et nous avons aussi Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir. Ça va la forme? Oui. Alors. C'est ça la question? Ah oui. Bon bah voilà. Elles vont bien. Vache, fort. Clément, comment tu envisages de changer le monde? Oula. Oh ben. Comme ça. Ce que tu m'as dit hier là. Ouais. Plus de vacances. D'accord. Voilà. Mais chez les cafés et les Twix. Sois voilà. Ferme dans ta démarche. Et nous avons Théo. Donc bonsoir Théo numéro 1. Et allez, ça c'est un classique. Alors salut, moi je m'appelle Région Lyonnaise, je travaille en 23 ans et puis... Comment ça va? Oh bah écoute, la forme. Forme alors... circulaire. Alors, oui, blagueur. Quelle est ta chaîne de sport préférée? Ma chaîne de sport préférée, c'est Pétanque Boule, .com je crois. Alors c'est une chaîne qu'on retrouve sur internet, c'est uniquement... Ça se passe en Ontario, quoi. C'est la pétanque importe pas, exportée plutôt. Et donc ça se joue avec, je crois que les arbitres sont des castors, etc. On passe à l'autre. Oui. Voilà. J'adore le sport en tout cas. Alors, nous avons Théo numéro 2. Ah, bonsoir. Bonsoir Théo, bien ou bien? Bien la famille. Bien la famille, très bien. Théo, donne-nous un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur dans quel sens? J'étais un petit peu dubitatif sur cette question. Un ordre de grandeur, je sais pas, 10 puissance 4, 10 puissance 1000, tu vois. Ah, bah, de 10 puissance 12. 10 puissance 12, très bien. Voilà. Merci. Vos puissances Poitou-Charentes. Excellent. Ouais. Alors, on en sait désormais un peu plus sur nos invités. Vous oui. Allez à présent devoir créer des équipes. Et pour cela, nous allons devoir choisir des capitaines d'équipe. Et j'ai pensé à un petit jeu pour vous départager. Alors, le jeu est le suivant. Il est un petit peu compliqué à expliquer. Mais vous savez que sur Terre, nous sommes tous reliés à tout autre être humain à 6 degrés d'écart. C'est-à-dire que vous connaissez une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui connaît aussi une autre personne. 6 fois. Et au bout d'un moment, on arrive à... Par exemple, on peut relier vous à Obama, par exemple. Ouais. Certainement. Il est super sympa. Je connais. J'ai que 2 degrés, moi. Avec... Ah ouais, c'est vrai ouais. Ouais, très bien. Ça se voit, je pense. Et donc, du coup, nous allons jouer à ce jeu avec des acteurs. Donc, nous allons essayer de relier un acteur français avec un acteur américain. Celui qui arrive à faire ça avec le moins de degrés... Ah, sera un des capitaines d'équipe. Est-ce que vous êtes prêts? On va choisir le premier duo d'acteurs. Théo, donne-moi un acteur français. Omar Sy. Omar Sy. Oh. Ouais, Omar Sy. Ah non, elle est facile, ouais. Ouais, ça a déjà un petit pont. Un pont vers tous les X-Men déjà. Ouais. Je sais pas. Omar Sy et Chris Pratt, bah ouais, voilà. Laurent Lafitte. Laurent Lafitte, c'est compliqué. Ouais, Laurent Lafitte. Intéressant. Carlito. Oh. Intéressant. Et bah, du coup, je vais dire Robert Downey Jr. C'est plus simple. C'est bien Laurent Lafitte de la Comédie Française. Hein. De la Comédie Française. Oui, citons-le. Non, mais attends, ouais, on va pas croiser. Ouais, ouais, ouais. La bise à Fred avec qui on joue beaucoup à ce jeu. Alors attendez. Il a joué dans quoi Laurent Lafitte? Ouais. C'est bon, on a le droit au portable ou pas? Le plus simple, ouais, le point de départ, c'est que. Moi je connais que il a incarné Louis XVI dans. La Grande Vadrouille. Exactement. Non, je sais plus comment il s'appelle, ils ont fait un énième film sur la Révolution Française il y a 2 ans. Ok. Donc il y a un casting, il y a tout le tout voilà le gratin, ouais, exactement tout le gratin français. Mais il y a un pont, il y a un film récent aussi qui permet de faire un pont vers les États-Unis avec la Fifite. Avec la Fifite, oui, qui joue avec quelqu'un qui a joué avec quelqu'un aussi, qui a joué avec des Américains. Et ce quelqu'un, il aurait pas un petit prénom ? Bah, je peux pas dire du coup. Attends, moi j'en ai peut-être pas le droit de dire. C'est peut-être une piste. Mais c'est à partir du moment américain, justement, je suis en train de chercher, alors que ça devrait être plus simple. Ouais, ça m'étonne que j'ai trouvé que. Ah, bah moi c'est bon. Ah, tu l'as ? Je l'ai, attends. Attends. Ah, compte. Je sais pas comment on compte les deux. Bah, c'est un, deux. À chaque fois que t'as un film, okay. Bon, alors comptez en même temps. Alors vas-y. J'ai fait Laurent Lafitte, Omar Sy. Ok. Quand je jouais de l'autre côté du périph', je crois. Très bien. Bah, c'est bon. Non, mais c'est super simple. Voilà. Omar Sy, Chris Pratt. Bah oui. Et Chris Pratt, Robert Downey Jr. Pourquoi Omar Sy, Chris Pratt ? Bah, Omar Sy, Chris Pratt dans Jurassic World. Ah, bâtard. Putain, Jurassic World, j'avais pas pensé. Bah, juste pour savoir, c'était quoi le film avec Laurent Lafitte et... De l'autre côté du périph'. Ouais. Ah oui, oui, ok. Il me semble qu'il y avait les deux. Oui. Non, mais ouais. Bon, c'était juste pas une comédie très inoubliable. C'était naze, quoi. Tu étais sur quelle piste ? Moi, c'était... Je crois que ça s'appelle Nous finirons ensemble, le film avec Guillaume Canet, Laurent Lafitte. Il y a plein de monde, le machin. Donc, t'avais Laurent Lafitte, Guillaume Canet, Marion Cotillard, forcément. Ah oui. Marion Cotillard... elle avait soit Inception soit The Dark Knight Rises et c'était là que je bloquais justement. D'accord. Christian Bale ouais après. Et parce qu'elle était. Il y a pas que lui en fait, il y a Morgan Freeman aussi ouais. Du coup il y en a plein en vrai, il y a DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Gary Oldman ouais faut voir après ce qu'il y a quoi. Il fallait que je fasse la passerelle. C'est pour ça que je cherchais pas mal de préventifs. Bien joué. Je fais quoi maintenant? Donc là tu es capitaine d'équipe Clément. Okay. Et comme on va pas passer trop de temps, tu vas choisir le contre qui tu vas jouer. Qui sera l'autre capitaine d'équipe. Théo en face de moi. Ok. Oula. Et donc maintenant, les épaules. Et ben donc maintenant, Clément choisis ton coéquipier. Coéquipier, merci. Putain, voilà. Le Covid, ça a pas fait du bien. Si tu veux bien. Allez, si tu veux. Comme ça, il y a les deux Théo. Salut Théo. Salut Théo. Ça va toi Théo? Ça va, oui. Ouais. Alors du coup, ça va, tu fais quoi? C'est l'écho. Bah, je m'appelle Théo pour l'instant. Pareil. Bien. Comme dans les vrais matchs d'impro, les équipes représentent une ville. Donc vous allez piocher un nom de ville et après vendre ton deal. On peut pas choisir Vladivostok directement ? Ah oui, je voulais Gennevilliers, parce moi. Parce que nous, on l'aurait vendu, mon gars. Quelque chose. Donc là, je pense à Théo. Clément et Jules, quel est le nom de votre ville ? Notre ville s'appelle Château-Chalon. Nous représentons cette magnifique ville. Château-Chalon. Pas moins de 16 habitants. Oui. Et les deux Théo ? La Roche. Dion. La Roche, comment ? La Roche Guyon. La Roche Guyon. Guyon. Je sais pas comment on prononce. Guy. La Roche Guigui. La Roche Guigui. Donc, vous allez vendre votre ville. Quoi ? Attends, tu veux qu'on foute dehors les 16 habitants ? C'est ça. Un peu dur. Non, mais vous allez devoir faire la promotion de votre ville, du patrimoine, de tout ce qui fait la beauté de votre ville et pourquoi vous la représentez ici. Et pour cela, il y aura une belle musique en arrière. Et je vous propose... de partir dans une petite impro de quelques minutes, c'est parti. Château-Chalon, cette petite bourgade au bord de mer, bordée de son gros château, hein, le Château-Chalon, d'où vient le nom d'ailleurs. son hippodrome relié à, son tout nouveau centre équestre vous accueillera dans les meilleures conditions avec son personnel accueillant. Et le carrefour, le grand carrefour du coin qui permet de faire ses achats pour les fêtes, bien sûr, pensez-y. Son nouveau maire, Gérard Colombin, vous souhaite de bonnes fêtes et vous attend avec impatience et même de pied ferme. À Château-Chalon. Bravo ouais. Ah, je pose mes congés, j'y vais dire. Et du côté de la Roche Guigui. La Roche Guigui. Deux points. Victor Hugo y est passé en 1863, retenez bien ceci. J'y étais. Il écrivit sur une plage abandonnée. J'entendais tous les nouveau-nés vouloir y habiter. C'est une terre propice à la fertilité où tous les bambins seront bien accueillis comme ça. Ils seront dorlotés, coussinés dans tous les sens. On pourra leur faire des petits câlins parce que... on se sent bien à la Roche Guigui. La Roche Guigui, ce n'est pas qu'un caillou. C'est la tour de Babel de l'océan Atlantique. C'est la Loire qui ouvre ses bras, le delta qui te prend, qui te saisit et qui te dit « Tu quitteras jamais la ville, mon bon ami. 82 ans que t'es là au collège en 6ème B, tu y restes. » Et pourquoi aussi on y reste? Car le commerce, l'art et la culture... Nous possédons en fait actuellement un formidable opticien. C'est un Chris, c'est-à-dire qu'il est franchisé. Hein. Mais. Sois pas tapé sur les dames. Pardon, excusez-moi. Mais Corinne, qui s'occupe de la boutique, elle est formidable. C'est-à-dire qu'elle vous fait des petites montures fantaisie comme ça. avec des flammes sur les côtés, des verres pas de la même taille et tout. On s'y retrouve plus, c'est pas mal. Il y a plein de trucs à voir là-bas. C'est très fantasy, il y a que ça à peu près. Mais en tout cas, heureusement qu'on l'a engagé pour être des grands conteurs et donner un petit peu envie. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Il y a une petite chanson, allez, rapidement là. Alors, rapidement. Sur les roches, Guillaume, quand tu cherches. Quand tu cherches... Attendez, oh, c'est pas fini. Sur les roches, Guillon, quand tu cherches un pantalon, qui c'est que tu vas voir ? C'est Stéphane Guillon, pas le même. Ah qui fait de l'humour ? J'ai pas la suite de la chanson. Non, mais je sais quand même, ça fait genre, c'est quand on ne plus dans la fête. La roche, Guillon, ça, c'est le plus dans tous les murets. Alors après, c'est vrai qu'il y a quand même tout ce qui concerne les églises tunisiennes, qu'il y a les païens qui sont débarqués comme ça. Qui voilà, sont... voilà, ça c'est voilà, un fait. Ça rapproche la tartine de cuisse autour du front. Mais bon. En toute synthèse, voilà, si vous êtes amis de Stéphane Bern, de François Fillon et Stéphane Guillon, venez à la roche Guillon. Bravo, bravo. Bon. Alors nous avons aussi un fil rouge dans cette émission. Vous allez aussi piocher un mot, chacun, secrètement. Ce mot, vous allez devoir le garder secret. Vous allez devoir le placer lors de cette émission, discrètement, pendant une des impros. Avant la fin de la quatrième impro. Après, je n'autoriserai plus à le placer. Et ça rapportera un point à votre équipe si vous le placez correctement. Okay. Voilà, donc... Alors, le Nil, alors. Pétancourt était une ville, n'était pas un mot la dernière fois. Désolé, Théo. Et pourtant, il y avait une majuscule, c'était un nom propre. J'aurais pu t'en douter. C'était un synonyme de lavabo. êtes-vous prêt à attaquer ? Oui, oui. J'ai pas entendu. Oui, oui. Ouais, bravo. Ouais. Donc c'est parti, petit jingle d'improvisation numéro 1. C'est improvisation numéro 1. Improvisation numéro 1. Bon. Tu t'es vachement amélioré en beatbox. Hein. Merci. Improvisation de nature comparée, c'est-à-dire que du coup vous allez faire à tour de rôle l'improvisation. Donc d'abord les deux Théo, et après Clément et Jules vont faire l'improvisation. Donc improvisation de nature comparée, catégorie sans la lettre O. Donc aucun mot avec la lettre O à l'intérieur. Ok, donc on ou tout ça, ça passe, ça dégage. Voilà, c'est ça, c'est, okay. Ça dégage. C'est et donc le thème, c'est le discours du président. Voilà. Mais du coup, de l'eau, c'est possible. Oui, de l'eau, c'est possible. Ah oui, voilà. E à U, ça marche. Voilà. Ma chère patrie. Pourquoi tu parles avec un accent déjà ? Tu me mets des handicaps ? Mi Chirac, mi quelque chose d'autre. Parce que si je puis tempérer un peu, me dire, je suis Furax. Et si Papal France. Bah non, Papal. Oui, non, mais peuple, mais je vais vous le dire. Je suis con, parce que dans le mot, il n'y a pas de O, et le con, il dit Papal, j'accoule trop. Bon. C'est perdu ou... Bah, Papal, ça passe à l'autre, c'est petit. Continue avec ce personnage. Non, oui, non, c'est ça, je alors, les... Comment dire... Comment ah, mais putain, mais pardon de... Ce n'est pas une mince affaire de gérer la France quand, avec détermination, ah bah, eh oui, ah ouais, voilà. Avec persévérance, oui, non, oui, non. Et engagement, si tu le permets. J'ai pas dit avec la lettre qu'il faut pas dire. Il faudrait... Il me fait engueuler parce qu'il tape sur la table, mais... Non, il n'y a pas de... Il nous faudrait... Gérer... Mais merde, je suis arrivé. C'est un champ de mine, ce jeu. Mais oui, c'est super compliqué. C'est chaud. Ah ouais. Un verbe... qui n'en est pas un. Je ne peux pas le dire. Français, je suis pris à la trachée. C'est la crise. La cri-cri, la cri-crise. Si On resserre pas le slip, je dirais slip quand même. On resserre, c'est le gouvernement d'alcoolique. Hein. Allez, trouvez une chute. Si chacun ne resserre pas le slip, il est bon. Oui. Je suis bon. Oui. Ouais, bon. Ça va finir en eau d'andouillette. Ah. Merde. Ou dans Bouddha aussi. Oh, notre Bouddha. C'est la fin. Eh ben bravo. C'est un exercice très très compliqué. Mesdames, messieurs. Bah non. Non, messieurs. Bah, bon, messieurs, c'est bon. Messieurs. C'est, M-E-D-S. Ah, c'est pas moué. Ah, c'est pas. Parce que monsieur. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon. Mesdames, messieurs, c'est fini. Entre nous. Pardon. Je ne peux même pas. C'est fini de tergiverser sur cette maladie qui a infecter la France. Le Covid. Cette maladie auquel je ne peux donner. À toi. Ouais. Ah oui. Donner. Cette maladie inédite en France qui a fait du mal à la patrie. C'est très lent comme discours. C'est vous. Mais pour les deux au fond, je suis ici afin de dire. Il a un problème. Varashki, tu vas faire haut. Un truc. Un truc intéressant qui est. Livre. C'est ça, c'est ça. C'est reparti. La vie repart sur ses rails. C'était dur. C'était très dur pendant ces. Cette. Ah. Cette année 2020. Les zéros. Les zéros, ça sent vachement les zéros. C'est exprès. C'était pour être mal. Mais. Ah putain, j'en ai. Là qui parle en comptant sur ses doigts. Mais. C'est qu'un mot par page. Mais. Il s'en sort bien, hein. Il marche sur les yeux, il s'en sort bien. Macron a pas plus de débit, hein. Ouais. Mais. 4 heures de discours, là, dernière fois. Ouais. C'est très bien. Bravo! Ah, à toi! Ah, il sera d'usage, à partir de maintenant, de réhabiliter tout ce qui avance. Ah, tout. C'est chiant, hein. C'est chiant. De réhabiliter l'éducation. Bah non. L'éducation. Bah non. Bah non, du coup. Donc de réhabiliter. De réhabiliter quoi? Les bus. Les machines à café. La ligne D. Qui est quand même impérative. Ah oui. Ouais. Les funiculaires. Pour les descentes en piqué. Ah putain, pour. Ah merde. À vous. Même pas. Les funiculaires et. Les supermarchés. Quel beau pays. Des funiculaires et des supermarchés. Bienvenue à l'Orange Lyon. Car c'est impératif. Encore. Oui, je recycle un peu. C'est l'été ici. Les funiculaires et les super U. Afin que la santé des enfants du pays revienne. S'il vous plaît. Please. Je vais conclure en disant, en bref, faites le nécessaire et même le maximum. afin de sauver cette belle ville de Château Chalon. Bravo. Et bah, je suis bien embêté parce que vous président avez... d'une ville hein, quand même. Vous savez, tout les deux équipes ont bien galéré. Vous en êtes bien sortis quand même. C'est pas facile. Ouais. C'est un exercice vraiment. Ouais, très chaud. C'est chaud. Hein. Du coup, je suis embêté parce que vous en êtes bien sortis. Et on laisse toutes les voyelles, on le refait, hein, si tu veux. On laisse le public voter. Et... ouais. Et on se retrouve dans 3 semaines. Voilà, c'est ça. Sachant qu'il y a personne qui écoute. Oh, j'écouterai. Je voterai pour aussi pour moi. Non, on va dire. On va juste débattre. Vous en pensez quoi? C'est qui s'en est mieux sorti? Bon, je dirais que c'est cette équipe. Alors, moi, je pense que vous on avez. On a fait moins de fautes. On a fait beaucoup. Mais vous aviez un personnage qui était bien plus drôle. Ouais, aussi. C'est ça. Vous aviez des personnages. Ouais, nous, on était dans la retenue exprès pour. Nous, on était dans le challenge voilà. De. Afin de voilà. Machin. Ouais. Vous, il y avait une certaine fluidité qu'on n'avait pas. Je moi, je vais mettre un point de ce côté et un demi-point de ce côté. Quand ouais, même, parce ouais, okay. Allez. Parce que on a fait beaucoup plus de fautes que vous en vrai. Donc bah oui. Ouais, vous étiez dans le. Ouais, ouais, mais bon. Dans l'impro plus facile. Nous, on était proche de Jean Castex à peu près. Il n'a pas dit que les fautes étaient pénalisantes, il a dit que ça passait juste à l'autre. Non, bien sûr. Donc, on est parti pour l'improvisation 2. Bravo à vous déjà pour la précédente improvisation. Il faut un jingle pour l'improvisation 2. C'est l'improvisation. L'impro 2. Vous vouliez la première, vous voulez encore plus la 2. Non. Donc, improvisation mixte cette fois avec les deux équipes qui jouent ensemble. Durée environ 4 minutes. Le thème, c'est le dîner annuel des poètes. Et du coup, la contrainte, ça sera qu'elle sera, ça sera rimée. Donc, vous devez parler en rime. Ah yes, vous êtes des poètes, c'est ça. Donc est-ce que vous êtes prêts? Il y aura un son d'ambiance. Un alexandrin ou pas? Parce que moi je fais pas. Si c'est pas les alexandrins, tu vois le challenge. Eh bah, maximum. Si tu veux, tu peux mettre les alexandrins. est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis prêt. C'est quand vous voulez. Salut. Paul Verveine, la quarantaine. Bien dans mes baskets. Écoute, plutôt coquette. Coucou. Édouard Baudelaire, 45 ans, puis je. Ah pardon, excuse-moi, si tu veux, je te la refais plus proche comme ça. Pour être ton assiette, en douillette. En douillette. Édouard Baudelaire, 45 ans, puis je suis originaire d'une petite ville de l'Aisne, quoi. C'est intéressant parce que moi je viens de Le Mans. et comment tu t'appelles, toi? Oh ben. Là-bas. Philippe... J'ai pas de rime. Philippe le Normand. Ah. J'ai grandi justement en Normandie, mais j'y vais jamais. Depuis. Pourquoi je parle aussi longtemps, c'est me rajoute des rimes si tu veux. On fait un petit détour du côté de l'Alexandrie. Tu connais Alexandrie hein, là, putain, j'adore là-bas. Que des tartines au kiri. Ouais. Ouais. Et toi, jeune petit toi? Je m'appelle Christian, j'ai 24 ans. Efficace. Et toi? Ah non, bah non. La limace. Bon alors si on est réunis ici, je crois que c'est pas pour parler rififi, hein? Non. C'est pour aller droit au but, pour parler... pour parler de quel but? Ah, ouais. De quel but? Moi j'allais dire, on garde nos quel but. Ah, on peut les garder, mais tout à l'heure il va y avoir la lecture justement, ouais, parce que nous sommes tous écrivains. Ton surnom d'ailleurs à toi, quand t'écris, c'est Yvain, et oui. T'aimes aussi la peinture. Oh là là, l'embrassé! Oh là là là là... Bah oui, c'est vrai, écoute, je fous un coup de pinceau par-ci, par-là, je me mets un CD d'Obispo, et puis très vite c'est parti, quoi. Et très puis, vite, ça finit dans les doigts. Très vite c'est parti, et puis qu'est-ce que t'en penses, Tati? Bah, ce que j'en pense, moi, c'est que. Au bout d'un moment, il faut quand même se dire. Je l'ai pas. Je te mets sur la voie. Cette année, c'est le grand gala annuel, hein. C'est le gala de Noël. Alors, il faut tous qu'on soit là, hein, et qu'on donne le meilleur de moi. Qu'on donne le là. Qu'on donne le là. Absolument. Alors. Comme Groupama. Mais est-ce que vous avez lu le nouveau poème? Moi, j'en ai entendu parler sur RFM. Et sur BFM aussi. Ah ouais. J'ai pas vu l'émission de. Qui passe après Question pour un champion. C'est Christophe? Christian. Ouais, pardon. Il a 24 ans. Faudrait... J'ai 24 ans. Allez, bon. Christophe, je pense que on devrait tous peut-être contribuer à un poème et chacun faire une strophe. Et chacun en contribue, quoi. Et puis après, absolument. On verra bien ce qu'il a bu, hein. Il y a l'usage des apostrophes. Et, comme il dit. T'as bien alors, lu. On devrait peut-être établir un ordre. Afin que ce soit pas le désordre, hein. Vous m'excuserez cette rime un petit peu facile. Non, mais t'inquiète pas, c'est de la rime plate et moi je bois que ça. La belle appétillante. Je sais, je suis chiante. Peut-être voudrais-tu commencer ? Bah écoutez, je pense que d'abord il faudrait trouver un thème. Et ça, c'est pas quelque chose que. Qui est. Qui... C'est pas quelque chose que t'aimes, hein. C'est. T'es fort, toi, dis donc. Oh, ouais. Tu es dué pour ça, pour trouver. Du donc, tu veux un joint ? Ça tombe bien, c'est le mois adapté, c'est le mois de juin. Vous trouverez si je. Alors. Non, non, mais oui. Un thème, justement, qu'est-ce que t'aimes ? Les ragondins. Les ragondins. Oh. Christophe, le ça te plaît, les ragondins ? J'adore les ragondins. Je les observe tous les matins. Vous avez déjà lu celui de Christine Boutin ? Oh, qu'elle porte des loup-boutins. Apparemment, les mignons, il a un petit nez mutin. Ah. Alors, ce que je propose... Hein, puis c'est une grosse tête. Hein. C'est pas de, ce sera pas de la prose. Ce que j'ai... Ce matin, un lapin... À vous deux. A rencontré un ragondin. Oui, oui, voilà. Ils se sont tenus la main. Ils se sont couchés sur du satin. Bon, on a 5 lignes, on n'est pas loin d'être digne. Ensuite... Deuxième strophe, à toi Christophe. Le loup arriva soudainement et poussa un grognement. Oh là là ! C'est quoi ces lapins et ragondins ? Qu'est-ce qu'ils font-ils ? Qu'est-ce qu'ils font-ils autour de mon étang ? Étang. Étang. Ah ! C'est marrant. J'ai l'impression de les croiser depuis la nuit des temps. C'est de là. Serais-je attiré à eux comme à un aimant ? Oui. Ces petites bêtes-là, quand il fait beau, viennent barboter côté des araignées d'eau. N'est-ce pas ? Eh bien, n'est-ce pas ? Paul Verveine 2020. De burrito. Mais ils ne vont pas se séparer de sitôt, car ce ne sont pas des louveteaux. Ce soir, c'est la Lumba. Tous ensemble, on va écouter Despacito. Moruto, Limbo et Lambada. Ce soir, c'est ta soirée à toi. Oh. Je serai la plus belle pour aller danser. Car Sylvie Sylvette m'a un jour promis que je pourrais porter toutes ses lunettes. Quel ping-pong de verre quand on est. Patrick doté, de verre. Doté de la verve de Patrick de verre. Oh, oh oui, oui, oui. Merci, confrère. Je vous propose qu'on se repose et que désormais nous allions. Manger quelque chose, ouais, et boire pour obtenir une cirrhose. Oh, merci, tu m'as sauvé. Écoutez, messieurs, je crois qu'on fera pas mieux. Le poème est fini, puis nous, on se revoit attentif, quoi. Ouais, allez, changeons de lieu. Dans un jour ou deux. Oh, oui. Je suis nul en rime. C'est pas une grosse quiche. C'était des rimes riches, mais c'était pas ouais. Il y a eu des rimes croisées par moment. Bravo. C'était. Wow. On est arrivé au bout du truc. C'est là. Je vais mettre un point à la Roche-Guy, quand même, qui a fait. Ils sont forts. Qui a pris des risques. La sur Roche-Guy. Certains... C'est vrai que. Sylvette et les lunettes. Oula, attention. C'était cherché loin, là. Ils sont vraiment forts. Okay, merci. Ah oui, alors, avez-vous pensé à placer vos mots ? Moi, j'oublie oui. À chaque moi, fois. Oui. Non. Voilà. Fait. Je vous rappelle qu'il faut les placer. Il me faut un jingle pour improvisation 3. Mmh. C'est l'improvisation numéro 3. Qu'est-ce qui se passe par là? T'es quoi? Il était bien. C'est excellent, ouais. On forme un groupe. Bah oui. Alors, improvisation numéro 3. Donc c'est une improvisation mixte. J'ai mis improvisation mixte à 5 personnes parce que j'interviendrai si besoin. Pas forcément. Donc la catégorie, c'est le perso des autres. Et la durée, ça sera à voir en fonction du temps que vous mettez pour placer votre perso. Je vais vous distribuer à chacun, en fait, un perso secret. Et vous allez devoir jouer secrètement ce perso. Et les autres, ils vont devoir deviner ce personnage. Donc vous avez déjà joué la dernière fois à ça. Tout à fait, oui. Il n'y a que Théo qui n'a pas joué. Donc par exemple, si tu as R2-D2, bon, tu vas pas faire juste Billy Bip Pop, et tu vas parler normalement, mais tu vas devoir donner des indices, des histoires. Bah ouais, moi, je me déplace pas en marchant, par exemple, des trucs comme ça. Voilà. Ou tu dis j'ai vu l'espace, des trucs comme ça. Ça roule. Donner des indices, il faut pas non plus être trop facile. Il faut pas dire je suis R2-D2, quoi. Voilà. Je vais donner 3 points pour le premier personnage trouvé. 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième et 1 demi-point pour déséquilibrer si jamais il y a des égalités à la fin. Le demi-point, okay, ça déséquilibre toujours bien. Okay. Voilà, okay. Vous êtes prêts? Je vais faire passer un chapeau. Vous essayez de pas regarder ce qu'il y a encore des timbres de l'AMD. Le thème, c'est le nouveau conseil municipal, parce que vous êtes au courant qu'on a des nouveaux maires. Et du coup, là, on est dans une ville qu'il faut définir, il faut donner un nom, n'importe laquelle. La Roche-sur-Guyon. Et donc, il y en a un qui va jouer le maire. Mais qui aura aussi un personnage, et puis le premier conseil municipal, du coup, avec. Vous devrez parler. Moi, j'interviendrai peut-être en tant qu'assistant du maire ou tout comme ça. Okay. Si jamais ça dure trop longtemps. On va élire le maire? Moi, non. Je refuse toute forme de pouvoir, donc c'est pas. Allez, bah, si vous voulez, je le fais. Tu fais le maire? Ouais. Salaud. Et donc, c'est parti. On est d'accord que je vous rappelle que dans un conseil municipal, il n'y a pas forcément que des gens qui aiment le maire. Si ça peut vous intéresser. Absolument. Vous connaissez ma position, moi. Si. Et donc, c'est parti. Je souffle, j'arrête pas de souffler. S'il vous plaît. Messieurs, je déclare ouvert la première réunion du conseil municipal de Jardin-les-Voirons. Bonjour. Étant donné que je suis le plus vieux, je vais présider. Je me présente, je m'appelle Henri. Menteur. Bon, écoutez. Vous avez pas réussi votre vie, hein. Mais écoutez, s'il vous plaît, un peu de respect, je suis quand même le maire. Oui, attendez, 2 secondes. 2 petites secondes, vous pourrez faire votre petit speech après. Nous, ça fait quand même 15 ans qu'on est en conseil avec Riri, Fifi et Loulou. Enfin, Loulou, c'est moi, je m'inclus. Je suis désolé, non, mais d'insister. Mais je pense que dans votre politique, c'est une politique d'arriviste, tout simplement. Nous, on n'a pas décidé ça. Donc, j'aimerais que vous vous expliquiez un petit peu les mesures sincères qui vont se passer. Bon, ben après, je la boucle, c'est tout. Voilà. Je sais qu'il y a un peu d'usage de ricaner un petit peu sur les petits nouveaux. Ah, je suis le petit nouveau. Voilà, j'ai beau être un peu yeuve, comme disent les jeunes. Hein. Moi, je le dis, ouais. Il n'empêche pas. Ah, bah oui, mais toi, ça se voit que t'es jeune. Je suis le petit jeune. T'es venu en skate? Ouais. Voilà. Tu utilises Facebook des fois? Oui. T'aimes bien les ordinateurs, Snapchat, tout ça, ouais. Les automocars. Tu fais des fois l'internet, tout ça, voilà, ouais, à fond, quoi. J'adore ça. Moi, j'envoie des POC des fois. Ah, des POC. Des POC. Tout est un tarif, je pense aussi. Putain, tu rentres. Cécile, il fait quoi les POC déjà? Viens donc faire un duel avec moi, les POC. C'est ça. S'il vous plaît. Pardon. Quand même le maire. Excusez-moi, monsieur le maire. On l'avait vu pour la première réforme, tout ce qui est étalage d'arbustes. J'attendais votre proposition. J'ai un problème avec ça. Expliquez-le. Et c'est pas là pour ça. En face de votre micro, expliquez-le. Il n'y a rien à dire. J'ai exposé le sujet. Vous avez un problème, dites-le. Je suis pas d'accord. Deuxième réforme. J'ai un problème avec ça. Ah, alors allez-y. Je suis pas d'accord. Il va pas développer. Tu crois que tu mérites un développement? Bon, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule. Et non, on va faire un duel dehors. Tu veux ça? On prend les guns, on se retrouve. Il est redoutable au pistol. Hein. Je te prends au tir à la carabine. Ah. Je fais tomber 13 oies en moins de 5-5. Ah ouais? Quand tu veux, mon pote. On l'a mal évalué, l'astico. On va ça impose le respect. Pour revenir à nos réformes, messieurs, le taillage des arbustes. Je suis pas d'accord. Réglementation communale ou européenne? Débat. Tour de table. Sergent, non, il faudrait. Déjà, c'est son prénom. Hein? Mm-hmm. Pas de putsch. Pas de putsch. Sergent. T'as compris? Oui, j'ai compris, mais parlez-moi mieux quand même, le maire. Je suis pas d'accord. J'y arrive, mais bon. Non, attends, juste, il faut un petit peu de. Développe quand même. Il y a des arbustes en forme de. Non, mais il faut faire preuve un petit peu de. Enfin, démontrer quand même qu'on n'est pas des. qu'on n'ait pas les trois pattes d'un canard mort, je ne sais pas où. Des fois, on dévie sur la phrase. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même que tu montes ta bouteille politicienne. Bon, messieurs, laissez la parole à la petite au fond. Là. Oui, monsieur le maire, je vous rappelle qu'il faudra commencer à parler du sujet principal de vous vous rappelez, vous avez parlé. Le sujet principal. Vous rappelez pas ? Je suis pas d'accord. Non, mais l'arrivée du ministre de la Culture. L'arrivée du ministre de la Culture, bien sûr. Pas non. Vous avez une question. Putain, on va lui en foutre pas la gueule, bien sûr. Bah, c'est sur ma liste, c'est la deuxième réforme, bien sûr. Encore le Francky, là, le Richter qui... Alors, pardon, tour de table, je ne veux entendre aucun autre mot que communal ou européen. L'otage des arbustes, règlement communal ou européen ? Au diable, traité de Maastricht. Non, mais voilà. Moi, faut pas tomber non plus dans le protectionnisme. Pardon, je t'écoute. Je trouve que les arbustes autour de mon école, ils sont mal taillés quand même. Communal ou européen ? Artisan ou multinational ? Bon, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai communal. J'ai pas encore mon brevet. C'est impossible d'asseoir. C'est impossible d'asseoir une quelconque autorité ici. Tout ce que j'ai réussi à asseoir, c'est vos putains de cul sur cette chaise. Et encore, moi je suis de bon. Bon, c'est déjà ça. On veut bien vous respecter 5 minutes, mais il faudrait nous prouver. Enfin, en tout cas, nous montrer le chemin. Hein eh ben, ce qui arrive après, ok. Enfin, nous montrer le chemin qui vous amènera à vous respecter. Vous, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je vous laisse le temps de réfléchir pour la première. On va passer à la deuxième réforme, l'arrivée du ministre de la Culture. En quoi c'est une réforme, l'arrivée de quelqu'un ? Tu peux me le dire, ça ? Parce que moi, j'ai déjà connu ça. Fait gaffe. Enfin, ça fait 30 ans que je suis dans le métier. On vous entend pas parler. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier, et je peux te dire que des duels, j'en ai fait avec ton cocon. Hein. Alors le duel. Ce que je te dis, c'est que le ministre de la culture arrive. Le truc, c'est qu'il va. le ministre de Cultura arrive. Mais oui, comment il va venir en car, en Flixbus, sous la législation communale ou européenne ? Non, c'est beau. Il me casse le. Et qui va venir en fusée tant qu'on y est dans le cocon. La petite avec la barbe là. Oui. Une idée ? Comment ? Une idée ? Moi, je pensais communal. Très bien. Je comprends, c'est ce qu'on bave depuis tout à l'heure quand même. Hein. Si monsieur était pas. Je veux pas me faire croire que le flic c'est du communal. Non, mais tu me prends pour un conte. Tu m'as bien regardé dans les yeux, toi. Respectez mon autorité. Mais non, mais c'est pas ça, mais monsieur, vous avez combien 14, 15, 16 miroirs en face de vous. Il observe son melon. Et puis je dirais pas ce qu'il fait sous la. Bella. Wow. La politique, c'est du feu et du sang. Hein. Mais. Calmons. Je peux vous dire que vous, au deuxième tour, vous ne passerez pas. Voilà. Il y a un moment. Et maintenant, on cite le Seigneur des Anneaux. Non, mais super les références. Bon, monsieur Gandalf, arrêtez maintenant de dire. Bon, je suis reconnu. Donc, c'est bien ça. Oui, je suis le plus vieux d'entre vous. Donc, qui c'est qui a trouvé Gandalf là ? Mais on l'avait. Moi, je l'avais le même, mais je sais pas si vous pouvez le dire tout de suite. Ah oui, il fallait le dire. Je sais pas s'il fallait couper le truc en disant ah, c'est Gandalf. Vous l'avez tous trouvé en même temps là, pour ouais, au moment il a dit, de toute façon, vous passez pas. C'est qui le premier à l'avoir dit ? J'ai dit arrête de citer le Seigneur des Anneaux. Moi j'ai dit monsieur Gandalf. Ouais, voilà. C'était toi d'abord. Mais j'ai pas dit Gandalf, oui, mais bon. Ouais. Bon, messieurs. Bon, allez, je mets deux points. Je pense qu'on est parti sur de mauvaises bases. On devrait faire un petit tour de table en commençant par vous, là. Le gamin ? Ouais, le gamin. Le Jones. Parce que tout le monde m'appelle comme ça, de toute façon, tout ça parce que j'ai toujours pas mon brevet et que je suis encore à l'école, toujours dans la même classe. Voilà. Pardon, y'a pas son brevet. Ça suffit quoi ? Il a pas son brevet. J'ai ma place ici, hein, comme tout le monde. Hein, voilà. Après, avec les copains, on aime bien jouer dans la récré. Et puis. T'as eu quoi comme mention ? De toute façon, nous, on aime pas les gens qui débarquent comme ça dans le coffre. Ils arrivent comme ça, ils débarquent, ils bouchent le cadenas, ils ouvrent tout comme ça. Ils débarquent comme ça, ils plongent dedans, ils en ont rien à la foutre de ceux qui sont déjà là. Oh, mais bon, écoutez, on n'est pas là pour se quereller. Présentez-vous, ça va un peu ouvrir les esprits. Rattrapez-vous, oui. Non, bah, comment me présenter ? Moi, je suis un. Voilà, moi, je suis un citoyen. Voilà. J'ai la particularité de ne pas vieillir, donc en fait c'est assez pratique. Mmh. Du coup, voilà, ça fait des années que je suis dans la même classe et que ouais, comme tout le monde. Je fais ma petite vie. Donc c'est pour ça que ça me permet de bien connaître la ville. Voilà, j'adore jouer dans la récré avec mes copains. Très bien. J'ai combattu les jaunes, moi, à mon époque, c'était pas vos potes. Non. Très bien. Alors, je vous accepte. À vous, le monsieur qui n'est pas d'accord. Alors, calme-toi, c'est parce que là, fais gaffe. Non, mais moi, je suis un vieux de la vieille en même temps. Je suis un vieux de la vieille, mais en même temps, je suis comme toi. Vieille hippo. Impossible. Mmh. Impossible ? Impossible. Mmh. Toi, je demande à faire des duels avec tout le monde, mais personne qui veut. Même vieillir, tu n'étais pas d'accord avec ça. Et il sort les griffes, le matou. Bon, bah, tu vas voir ta gueule, toi aussi. Mais moi, j'attends que ça. Non, je plaisante. Moi, j'aime bien l'ordre établi. J'aime pas quand ça change. Je suis un peu. Mais t'aimerais un peu, arrêter de taper sur la table. Je suis désolé. Je suis c'est la table communale. Là, pas européenne. On communale. Respecte. C'est vrai que. Ça, faudra faire attention. On va dire, monsieur le maire. Monsieur le maire, putain. C'est moi. J'ai pris mes fonctions. Mais non, j'aime pas ça. J'ai toujours mes vieilles Santiago avec moi. J'ai peur de rien. Ouais. Un fan de Santiago, voyez-vous ça. Ouais. Le petit au fond. Je me répète, j'aime pas quand il y a des nouveaux qui arrivent. Oui, bah, qui foutent le merdier tout le temps. Bon. T'es un sacré matou quand même, et ça. Non mais ça va le Zazou là, tu veux le petit dans le fond il est pas si petit et au demeurant je sais pas pourquoi il est aussi colérique d'ailleurs, je vais me calmer, faisons la paix, on la fera à l'extérieur et puis je te mettrai un petit taquet dans la tête. Oh putain. Bon, un vieux de la vieille hein, aussi, c'est-à-dire que si je me permets autant de familiarité c'est que j'en ai croisé des animaux comme toi. Pas seulement dans ton bled des jardins, quoi que ce soit. En tout cas, si t'as besoin de moi, tu tiens quand même quelqu'un qui a une certaine poigne, qui a pas franchement la frousse, qui est plutôt tout terrain, je dirais que je suis un HTT, et... Ça va bien. Et voilà, je sais pas, après si tu veux que je te parle un petit peu plus des services qu'on peut faire ensemble, mais je sais pas si j'en ai bien envie. Tu me parles de jardin depuis tout à l'heure, peut-être que tu pourrais t'occuper de la pour réforme. Pour la réforme des Airbus. Ah bah oui, Airbus. Sur Airbus, on s'est mis d'accord. J'ai pas pu donner mon avis sur Airbus, ils étaient pas d'accord, mais je comprends que tu sois pas d'accord. En revanche, moi je suis pas d'accord non plus, mais je vais te le faire, sans ton accord et sans le mien. J'ai rien suivi, vous notez tout, madame avec la barbe. Oui, tout à fait. Alors, madame avec la barbe, elle se présente aussi, elle est vieille. Voilà. Alors, moi je m'appelle Simon. Oh bah, ça je l'aurais pas rayé. Et t'es pas en voiture. Ah non, mais c'est des blagues qu'on se fait entre mères. Elle a le truc dans l'œil, hein, ça. Tu veux faire un duel? Allez, arrêtez de provoquer tout le monde en duel. Duel. Je suis championne de Beyblade, donc ça tombe bien. Quoi? Ah oui, Simone, championne de Beyblade, c'est ici. Saison 3, épisode 12. Ah oui, je prends n'importe qui en duel. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais, alors duel. T'as ton gun, t'as ton Colt? Non, j'ai ma toupie. C'est une toupie, c'est Beyblade, c'est des sortes de toupies qui... qui font une rotation sur elle-même en visant. Après, j'aime bien m'amuser aussi, je suis d'accord, on le fait. C'est parti. C'est super. J'adore les jouer. Bon, écoutez. Qu'est-ce qu'il a le gamin? Il a tous les ans pareil. J'ai l'impression qu'il y a quand même une sacrée discorde. Alors, mon petit, c'est quoi ton prénom? Je veux pas vous le dire. Toi qui es innocent. Je veux pas vous le dire. Écoutez, s'il vous plaît, le mieux pour remédier à ces présentations un petit peu succinctes, c'est qu'on essaie de sonder l'esprit des autres. Titeur? Oui. Ouais, toi, tu gardes ta place au conseil, c'est vachement bien. Toi, Jules, on est tellement nul par contre. Sur les points. Monsieur le maire. Un demi-point. Pas mal. Si je peux me permettre. Bon. Vous avez abordé le sujet houleux hein, du jardinage. Bon, ça on a compris. Vous êtes vraiment en chant. T'as du Xanax sur toi, s'il te plaît, j'en peux plus. Oui. Mais j'ai prévu, moi, une petite. Du suicide illico, 15h54. Bon. en revanche. Est-ce qu'on pourrait faire des rénovations plus se baser sur architecture intérieure parce que vous parlez beaucoup de jardins, etc. Faudrait leur faire la façade aussi. Hein. Moi, je trouve que l'ameublement de la mairie est dégueulasse. C'était pas sous mon commandement. Je tiens à préciser, hein. Moi j'ai récupéré le reste. On peut y remédier, Certes, mais maintenant c'est vous le grand Manitou. Je note, hein, je peux aller faire un tour Ikea. Y a pas de Oui. Il s'agirait, oui. On va aller se meubler chez Fly, c'est quand même pas de la merde. Parce que vous êtes un fan d'ameublement, vous? Je me souviens plus. Pas spécialement, mais disons que j'ai l'œil qui ripe un petit peu, qui mouille très vite hein, s'il voit quelque chose qui lui déplaît. Hein. Et puis. Vous êtes un artiste. Alors peut-être que si. Un architecte. Oulala. Ils sont tous très curieux d'un coup là. C'est marrant. Comme s'ils essayaient de deviner qui j'étais. Pourtant, je suis là, moi, comme je suis. Non. Là, peut-être. Non. Alors, si je te propose un projet de rénovation de meubles, tu pourrais peut-être faire. Oui. Ta masterpiece, ta Joconde. C'est vrai que j'ai été modeste. Je m'y connais. Ah oui. Il osait pas. Ce pas une sorte de corbeau? Un véritable corbac, un oiseau de malheur. Une sorte de corbusier? Non, mais en tout cas, je me ferai un plaisir d'assister à des rénovations, un petit peu d'architecture, et puis peut-être visiter les lieux un petit peu plus en profondeur, si tu vois ce que je veux dire. Un truc un peu plus ancien, tu veux dire, c'est ça? Un peu démodé. Les trucs quoi, par exemple l'Arche d'Alliance ou les trucs comme ça. Alors, non, je vois là. C'est une super idée ça pour la mairie. Et d'ailleurs, il y a Rictus, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous dites là? Non. Dis donc, il est fait comme Agoré. Bah écoute, oui, effectivement, Stargate SG1. Oui, parce que, ouais, ça a l'air d'être ça. Oui, je vois comme une petite cicatrice là sur votre torse et on vous a pas. C'est quoi ce long serpent à la ceinture là? Oh, dis donc. On vous a pas sucré le cœur un jour là. Arrête. Bah, il est gêné maintenant, le v'là gêné. Écoute, j'ai le droit d'avoir un style, j'ai vu Crocodile Dundee. Je compte vous border tout de suite ce chapeau de cow-boy là. Non mais t'as encore chopé le même personnage. Oui, non, c'est pour ça que j'ai un petit rictus. Ça serait pas une sorte de... Ah mais comment il s'appelle avec son chapeau là, l'Indien. L'été indien. Je me suis Joe Dassin. Ouais, Joe Dassin. Oui, exactement. Joe Dassin, l'été indien, c'est ça. Il reste plus que toi. Ouais. Pourtant, putain, j'en ai balancé les indices, bordel. T'as quel âge ? J'ai quel âge ? Je vieillis pas. Tu serais pas Wolverine, toi ? Non, non, non, c'est-à-dire que, en fait, vous tous, là, vous avez une constitution très particulière que moi, je n'ai pas. Ah, c'est ça ! Je me disais que tu aimais pas pareil. Ouais. Mais donc, je n'ai pas de... T'es Paul Le Poulpe ? Eh non, c'est pas moi. J'aurais dû me douter au fait que t'es que deux bras. Le con. Merde. Ah, mais vous n'êtes pas humain, en fait. Qu'est-ce que vous faites dans un conseil communal, enfin, j'ai été élu. C'est moi, j'ai préféré élargir les horizons, du conseil municipal, afin que toutes les ethnies soient représentées. C'est xénophobe ce que vous dites là. Non, mais... C'est ça l'Amérique 2020. Vous n'êtes pas humain, vous n'avez pas le droit de ce que j'ai ici. Excusez-moi, on n'est pas habitué aux aliens ici, voilà, je suis désolé. Pourtant, alors, je suis d'accord avec vous, les gens qui viennent de là-haut, pas l'atmosphère, tout ça, moi j'aime pas trop non plus. Ah, okay. Donc on va se mettre d'accord tout de suite, je suis dans votre camp. S'il vous plaît, on a un représentant quand même d'une ethnie, je peux dire, ou d'une race. Écoutez, je voulais pas vous... C'est très communautarisé ce que vous faites là. On reçoit quelqu'un. Mais c'est l'image de sa politique, salaud. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Hein. On reçoit quelqu'un d'une communauté nouvelle qui peut nous élargir vers de nouveaux horizons pour commencer à faire les misophones là. Tu veux faire un duel avec moi ? Bon, quel est votre plat préféré ? Qu'est-ce que vous mangez là avec vos potes ? Je mange jamais rien. Quoi ? Vous avez pas besoin de manger parce que vous vieillissez pas de toute façon. Voilà. Vous avez pas grillé. Du coup, moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que on va bien le dire, des immortels, des éternels comme ça court pas non plus là. La corde est quand même. Alors attention, il y a petit. Normalement, je fais entre 15 et 20 cm d'habitude. Ah, c'est ça. Non, mais c'est dingue. Hein, le maquillage est... Non, mais... Hey, c'est un jeu de miroir. Ah oui, 15 20 cm. Vous êtes un schtroumpf. Ça, il y a une sorte de snorky, ouais. Bah, schtroumpf costaud, il vieillit pas, lui. Tu veux faire un duel avec moi ? Oui. Ah, il y a un duel. On sort les Colts. Ça fait depuis tout à l'heure que je vous parle de chapeau de cowboy. Ah, mais d'accord, mais vous êtes le fameux cowboy de Toy Story, c'est ça, vous êtes un jouet. Vous êtes Woody. Oui. Ah, mais putain. J'aime pas les gens qui viennent de l'espace. Attendez. Ils me gonflent. Ah, oui. Oh putain. Mais ça fait 3 fois que je te demande de rénover Toy Story de la vie, si tu veux pas. Le beunier de l'espace, vous dire, j'avais rien compris. Votre botte, le serpent en gauche. Gauche ou droite ? Le serpent dans la botte. J'ai un souci. C'est toujours à la gauche. Oh, c'était super. Bon, écoutez, messieurs, je crois que pendant ce conseil, on n'aura pas avancé. Hein. Je suis pas d'accord. On se réunisse dimanche prochain, et puis en attendant, je suis pas d'accord. 6 ans de guerre pour toi. Ouais. Bon, et ben super ambiance. Au revoir, messieurs. Au revoir, au plaisir. Bon, je suis pas non plus d'accord. T'es retombé sur Indiana Jones, mais c'est pas possible. Ouais, c'est... T'as vraiment pas de chance, toi. À chaque fois, tu sais, je fais pas trop d'aventures. Le dimanche, un petit peu. Mais là, j'ai mis les pieds dans les chaussons, je m'arrête. Dis donc, ça fouette, les gars. Tu tires pas mon chapeau. Putain, mais deux fois, tu... Alors, jingle de la quatrième improvisation. C'est la quatrième improvisation. Quatrième et dernière improvisation. Donc, c'est l'histoire sans fin. Vous vous rappelez un petit peu de comment ça se passe. Je vais vous faire un petit récap et puis après, on attaque l'improvisation. Donc, nous avons vécu une ellipse et je vais vous la conter. Donc, les méchants ont encore sévi. Ils ont créé une pandémie mondiale. Pendant cette pandémie, le chiropracteur a trahi le groupe des méchants. De par sa profession, il est devenu extrêmement riche et a préféré faire cavalier seul. Nous les retrouvons donc dans leur tour d'ivoire, afin de faire passer un entretien pour un nouveau venu dans leur groupe. Salut les gars, comment ça va depuis le temps ? Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on prend ? Là vous êtes on est chez nous donc après on qu'est-ce peut piocher dans le... Qu'est-ce que j'y sers ? Ouais, j'ai fait le plat de morphébite. Bah c'est vrai que j'ai engagé la serveuse qui était l'autre fois donc elle peut vous servir ce que vous voulez. Je vous rappelle que là du coup tout est automatisé, vous voyez, vous avez des boutons là sur la table, vous appuyez sur la table et voilà, vous avez un frigo qui sort. Regardez. Ça perd les popettes mais tu bosses bien toi. Un diabolomante, on n'en parle plus. Voilà. Bon, on refait un petit tour de table juste de nous trois, histoire de rappeler un peu qui on est. Voilà, on va se présenter au nouveau. Oui, et puis voilà, on se présente au nouveau. Enfin, voilà. Le nouveau, c'est alors, pas décidé. Est-ce que je le fais entrer Oui, faites-le entrer. Alors, je le fais entrer. Et merde. Allez-y. Soir. Eh bien, Coquillon, commence bien. Hein. Ouais. Ça commence terriblement. Oui, d'ailleurs, je vous fais, ouais, c'est super. Voilà, comme je disais à mes collègues, on va d'abord se présenter, on fait un petit tour de table, histoire que vous nous rencontrez. Allez-y. Voilà. Soyez-y. Bah moi, voilà, je me présente, je suis Lord Sylvain, voilà, méchant de catégorie ultime, donc je suis un des plus grands méchants, voilà. Okay. Vous pouvez voir sur le PowerPoint que j'ai mis là sur le mur. Voilà, ouais, vous pouvez voir un petit peu tout. Il est beau, ça brille et tout. Ouais. Voilà, le Covid, c'est mon idée, du coup. Bon, après, j'ai été aidé par mes collègues, mais voilà, c'était moi qui avais. Tant qu'on foutu tout sur l'arrière. Voilà. Bah. Et c'est vers ton pote, hein. Je vais quand même pas prendre la peine de dire bon, non, tout le monde le connaît. Mais vous savez que j'ai entrepris quelques travaux pour la belle région du Finistère. Ah, ouais, bien. Donc vous êtes oui c'est toi c'est Captain Finistère c'est ça. C'est ça. Moi j'y allais des fois je prends les camions pour les camping-cars avec tous les gosses puis aller au Finistère. Quand on te dira d'ouvrir tu l'ouvriras. Pour l'instant voilà. Laisses nous présenter. Reste à ta place. Voilà, je me permets de te présenter Captain Finistère. En fait depuis cette pandémie du Covid, toi le Finistère a explosé pas littéralement justement. Disons que j'essaie de. Alors, pour ce qui est de Captain Finistère, j'essaie un peu d'oublier ce nom pour me donner une image un petit peu brillante, tu vois. Ouais. Voilà. Pour ce qui est du Finistère, c'est vrai qu'avec notre chère pandémie mondiale, on a quand même su faire quelques aménagements pas mal pour la région. Zéro cluster, voilà, hein, quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on peut le féliciter, je pense. On peut l'applaudir. Merci. Très bien. On a fait du bon boulot. Hey, j'étais pas tout seul, hein, c'est toute une équipe. Hein. Tu mérites. Et toi, toi, vas-y, présente-toi. Bon, moi, je te préviens, on comprend pas trop ce que je raconte. Mais c'est peut-être le plus méchant et le plus vicieux de tout cela, parce qu'il parle très gentiment, là, mais tu vas voir, c'est des vrais cancres. Oh, bon, moi, je me présente, je m'appelle Pétancourt, mais tout le monde m'appelle Raxévin Moule. Tu choisis ton option, tu te dépêches. Raxévin Moule, faut faire les trucs sur aussi. Je te laisse trois tentatives, si tu dis pas bien, au bout de la cinquième. Vous voulez que je vous apporte un couteau? Apporte un bon couteau. Le couteau. Pas celui-là, le la gueule. Oh, pardon. Avec le petit insecte, là, la mouche. L'insecte est crevé, ouais. L'insecte est crevé sous une soutane de. Bon. Ah, c'est celui-là. Oui, vas-y, très bien. Ouais. Tu vois ce couteau-là? Oui, il va bien, il est grand. Hein. Ouais. Vous voulez juste savoir si tu l'avais vu maintenant, je le mets à côté. En moins, François pas. Bon bref. Allez. Bien. Voilà. Afin de d'un peu de commencer la réunion, on va expliquer un petit peu la situation. Voilà. Donc Shiro, notre ancien collègue, a fait le connard un peu. Oui. Enfin, on peut le dire. Hein, il a fait. Oui, mais c'était un petit véni quand même. Bah, il avait bien préparé. Créé... Voilà. Bon. Le Covid l'a bien aidé. Il a fait fortune. Donc moi, voilà, il s'est lancé un peu solo. Bon, lui, on veut pas. Hein, on a cramé à peu près tous ses. Oui. Ouais. Toutes ces pharmacies, mais voilà, après... Et vous savez où il est, là? Non, on n'arrive pas à le trouver. Il est pas dans le Finistère. Salopard. Ouais. Et toi, t'arrives pas à regarder au-delà du Finistère, toi? Non, c'est ma région, c'est mon royaume, merde. Il le connaît par cœur, après, c'est l'avantage. Je le connais par cœur. C'est vrai. Chaque centimètre carré. Bon, en tout cas, toi, le petit nouveau, voilà, c'est un entretien, donc je te laisse te présenter, raconter un peu... Il a apporté son CV, je crois. Oui, bah vas-y. Voilà, là, je suis sur les tables. C'est Gérard, pour PG, j'habite à Cucuron. À quoi? À Cucuron. Un petit village, c'est pas trop ici, je sais pas si vous connaissez. C'est pas dans le Finistère. Non, c'est pas au Finistère. Tu crois qu'on a envie de connaître ton Cucuron? Bah, quand tu. Bah, il est toujours énervé, t'inquiète. Non, mais c'est à dire que. Alors, ouais, je me suis permis de venir ici parce que quand même j'ai un peu d'expérience de SKR, tu vois, je suis un peu. Mon village, on me dit, oula, attention, il y a des jeux qui passent. Les gens, il faut la menthe, tu vois. Un peu, je vais attaquer sur la gueule. Il est con. C'est des. Bon. Tu peux le dire devant lui, il pinera rien. Hein. Laisse-le parler. Ouais. Continue. Il est quoi, ça? Non, continue. On te connaît pourquoi, alors? Oui, parce qu'à part dans votre village, est-ce que vous avez des méfaits un peu plus... Ouais, non, je pense pas. Ouais. Non, mais attends. Mais attends, il y a des gens qui ont parlé de moi, quand même. Des gens qu'on connaît? Gens célèbres? Superman? Alors, il y a une fois, il y a le Tour de France qui est passé à côté, je veux dire. On était avec ma femme et mes gosses, on était sur le côté comme ça, on attendait qu'un mec joue pour qu'il voit la situation. Ouais. Mais j'avais passé, alors puis j'ai commencé à pousser avec lui, puis il y a un chien qui a fait ça tout petit comme ça devant, j'ai couru après lui, je passais à la télé aussi, je passais à la télé. Moi, j'ai une petite idée, on pourrait faire un duo avec les deux là. Comment on fait un duo? Tu vas me refiler la limace? Non, mais comme on comprend rien à ce qu'il dit, on comprend rien à ce que tu dis, ça fait. Comment on fait, on comprend rien à ce qu'on dit, dis-moi. Tu sais bien, on se connaît. Fais-moi dire un truc. Attendez, je tiens à préciser que c'est moi qui ai fait la sélection du candidat. Écoutez-le. Et non, mais écoutez, regardez mieux son CV. Ouais, bon, bah je lis percussion. Il faut lire entre les lignes. Bon, je vois. Bafion, Cofonou, Rovette, Tony Parker. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Quoi? C'est un métamorphe. C'est pas vrai, on a un métamorphe. Quoi? Est-ce que t'es seulement au courant d'être un métamorphe? On n'a jamais eu de métamorphe. Bah non, ça on n'a pas. Change-toi en Jean-Pierre Chevènement. Putain, c'est pas vrai. Oh, waouh. Attendez, alors là, les gars, on tient un truc, là, c'est super utile. Oui, bon, Jacques Chirac, même s'il est mort. Alors, attends, est-ce que... Bah, est-ce qu'il a la voix qui va avec? Ah, vas-y, ça peut me servir, vas-y. Chers compatriotes. Oh, putain. Ça, c'est bon, là. Alors, attends, est-ce que tu... Bon, c'est entre nous, tu pourrais nous débloquer des subventions pour le Finistère? Non, bon, attends, on en reparle après. Mais c'est Jacques Chirac, il est mort. Il est mort. Attends, il a des relations. Tu l'as vu toujours perso. Pense au groupe, les méchants. Oui. Bah le groupe, bah, n'empêche que bah, la région a jamais été aussi bien et je vais pas m'arrêter sur la lancée. Quelques histoires avec le Charlotte et l'Angola. Il le tient bien. Très bien. Putain, il est bon. Non mais c'est pas qu'il le tient bien, c'est que c'est Jacques Chirac. Ouais. Bah c'est vrai que ça, du coup, ça sera notre deuxième super pouvoir de. Parce que toi, c'est vrai que toi, t'as un peu un super pouvoir à force. Enfin, j'ai jamais pigé. T'as un super pouvoir, toi? Non mais il me demande si j'ai un super pouvoir. Ouais, je comprends rien en fait. Parce que tu t'en vas mettre l'oreille surtout. Il y a toujours le cafard qui est en quoi qui déblate. Et on l'écoute pas. Ouais, non mais j'entends rien. C'est pas un pouvoir, c'est une maladie. Ma mère c'était une limace. Bon. Ah. Bon. Moi c'est ravi d'une limace qui a beaucoup grandi. Parce que là, il n'y a pas énormément de charisme. Alors attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te contorsionnes? Tu baves? Qu'est-ce qui se passe? Si je t'envoie un seul glavion à la trompe, t'as la zou qui fond. Ok? Ah, ok. Concentration d'acidité hors norme. 300%. Deux yeux. C'est les mêmes boîtes. Ça, c'est plus une sorte de désavantage en société défaut, que de. C'est un défaut pour moi, et pour les autres aussi. Et ça se ressemble en pouvoir. Mais c'est vrai que pour les méchants, c'est pas mal quand même. Ouais. Mais je pourrais rien en faire pour le Finistère. Tu serais la main, pour récupérer, parce que si je dis que dans ton Finistère, il y a souvent des amas d'algues, là, je sais plus quoi en foutre. Bon, bah, moi, elle intervient parce que tout qui fricole à ma gueule. C'est comme un rouleau, quoi. Bah, écoute, je te mettrai en contact avec les services sanitaires. Tertio, fuis très fort. Voilà. Ouais. Ok, bien. Et oui, tu es immortel aussi, non? Ouais. C'est le nombre de couteaux. Non, mais le nombre de couteaux qui sont plantés dans ton dos depuis le début, je me dis. On n'en parle pas, mais. Ah, moi, ça me choque un peu, mais. Oui, mais parce que je suis humble comme ma maman. Ah oui, voilà, oui. Mais pour vous expliquer, on va la faire vivre et pas trop parler de moi. C'est une grande limace, ta mère, hein. Est-ce que. Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé de tuer une limace? Avec une carabine à plomb, des trucs ou des trucs. Des cure-dents. Non, tu vas jamais embêter les limaces? J'ai bien essayé de les chasser de la forêt dans la région, mais j'ai pas eu. Ah, déjà, tu te trompes, toi. Le Finistère, ça nous connaît pas trop parce que c'est certainement pas la forêt. Désolé pour le coronavirus, hein, que je mets sur ton micro pour vrai. Je fais plein de couteaux et effectivement, ça m'a jamais rien fait. Donc, c'est le pouvoir d'Obiru, non? Oui, c'est un bon pouvoir. Mais parce qu'on m'avait fait un calcul, je crois qu'il faudrait 35 couteaux répétition. Ouais. Et okay. C'est exponentiel. J'ai un corps flasque. Je suis comme un grand fibre. Si on met du sel sur le couteau, ça. Ah là, c'est compliqué. Tout ce qui est bouffe salée, ça t'aime pas. Alors, ce qu'on dit là ne doit pas sortir. Personne ne doit savoir qui craint le sel. On est d'accord. J'ai votre parole. Si tu sors d'ici, Y a le nouveau. Ouais. Alors, je ne dirai rien. Tu mets du sel sur ton entrecôte? Comment dire? m'est arrivé de déguster une entrecôte. Tu peux me faire un kiff? Tu peux te métamorphoser en Bourville? Bah, c'est dedans! Ah, c'est fort! J'ai jamais vu des tas de mon vélo! Très très fort. Excellent. Bon, les gars, je crois qu'on s'est un peu éloigné du non, sujet. Le sujet. Bon, moi, en tout cas, pour moi, c'est la Il a pas de qu'il arrive à la fermer. Alors, sous, la ferme. Ouais, voilà. Ouais. Tu peux te transformer en mime marteau. Ah, et voilà, il le fait super bien. Bon, ça, c'est très bien joué. Pour moi, c'est un oui. Hein, pour moi. Pour moi, alors, il y a beau. Il est con. Oui. Il a quand même un certain pouvoir, il a quand même certaines capacités. Attends, et... mais bien sûr, il est con à la base, mais il se transforme en quelqu'un d'intelligent. Alors bon. C'est vrai que le pouvoir du Shiro, c'était juste de d'arnaquer les gens. Donc, c'est bon. Plus fort quand même. Hein. C'était juste un requin de la finance. Ouais, voilà. Mais lui, il est bien c'était plus pas... fort. Quelle est votre forme originale? C'est peut-être un peu tôt. C'est-à-dire que. Non, j'ai pas forcément de. Allez, il le fait bien là. Tu connais, c'est ma forme originale, je suis pas très intéressant en fait, moi, parce que depuis ah. tout petit en fait, je passe un petit peu inaperçu, je fais partie des murs, que je sois à l'école, chez raison, moi, je vais dans tous les sens, je suis pas très intéressant. On peut pas montrer ça au public, pour la cote. Mais Donald Trump peut-être. Oh putain. You know what? Ouais. I don't worry to give a shit about this. C'était mieux le mime Marceau finalement, c'était la meilleure idée. Non mais... Je peux vous faire Boris Johnson si vous voulez, c'est plus ouais. comme quand il... Justement pour le Covid, j'ai appris ça parce vas-y, que... Vas-y, on t'écoute. Je peux dire stay at home. Stay at home. Putain, c'est pas mal. C'est ouais. Non, tu le fais vraiment bien. Vraiment. On va peut-être arrêter aussi de lui demander de s'enlever en 4, faire des pleins de personnages. Parce que t'as peut-être envie de rester peinard aussi, faut arrêter. Moi, ce que je propose. Tu vois, attends, t'as un cœur toi maintenant? C'est pas non plus incroyable. Là, je suis un petit peu touché par son histoire, ouais, excuse-moi. Métaphore. Toi, tu fais vraiment dans la voir. Bah, bon, ce que je propose, c'est de le mettre au pôle communication seulement si tu restes métamorphosé. On ne veut pas te voir dans ta forme originelle. Ouais, c'est un comme ça, on va gagner des likes, des pouces bleus. Mais il faut choisir la bonne forme. C'est ouais, c'est ça. Personne ne veut voir ça. Dans ma forme originale, j'ai bien compris. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme forme Trump, Boris Johnson, c'est pas ouais, mal. Ouais, ça marche. Charles Trenet, ça plaît aux jeunes. Ouais, non. Bon. Non plus maintenant. Dans le Finistère, Charles peut-être. Charles Trenet. Ouais. Alors. C'est vrai. On lui fait faire les Norman. Le pays de mon enfance. Norman. Norman. Ouais, Norman. Ah, faux. Ça, on a entendu parler de lui jusqu'à au fin. Enfin, vous savez. Et peut-être qu'on ça pourrait être pas mal votre communication. Ouais. Parce que Bétoncourt. Oui. C'est dur. C'est pas la meilleure régie. Mais j'ai pensé d'ailleurs, il faudrait peut-être lui mettre un costume à Pétoncourt quand même. Comme ouais. ça aussi. Parce que là, je regarde les rapports, là, on a perdu 50% de la clientèle. La cote est en baisse. Mais vous pensez qu'à la publicité? Bah oui, mais on a besoin de gens, il faut recruter. Enfin. Mais on n'a pas besoin de plus de gens. C'est avec pas avec le coiffure qu'on peut faire, là. On a besoin de soldats. Écoutez, le Finistère, excusez-moi, hein, mais les jardins municipaux, ils vont pas se tailler tout seuls. Ton Finistère Tu l'enterres, là, slogan. Non, bon. Non, tu prends le petit, il se fait passer pour Boris Johnson, Donald Balkany, Trump et Emmanuel Balkany. Macron. Et puis Balkany aussi. Balkany. Bon. J'aime bien le Finistère. Non, mais c'est une bien. Bonne idée, bon, le petit, on va le garder. On peut tout faire avec lui. C'est gentil ça. Oui. On va faire ça. Sylvain. Oui, Lord Sylvain. Lord. Alors, maintenant, pour le nom et la renommée, Métamorph, c'est déjà pris, quoi. C'est un Pokémon. Ouais, bon. Est-ce que t'as un autre nom, un nom de super vilain? J'ai bien. Mystique et Morphman, c'est pris aussi. Métabof. C'est vrai que quand il parle comme ça, c'est insupportable. Par contre, là, je supporte. Ouais, c'est vrai. Il est fort pour ça. Deviens quelqu'un d'éloquent. Ouais, deviens. Vin Diesel. Bon, ok. Deviens Bernard Montiel. Deviens Ardisson. Ardisson, ça va? Salut les terriens! Ouais, bon. Bienvenue! C'est très agaçant. C'est intéressant. Au bout de moi, j'ai une question. Aussi, est-ce que t'as moyen de te transformer en quelqu'un de nous? Non, vas-y. Non, bah, essaie de te transformer en moi. Je connais ça. Ouais. Alors, franchement, c'est quand même une très bonne chose de Finistère. Alors, non, mais là, la voix, tu l'as pas encore. Attends, j'ai pas écoute encore bien sa voix. Racle-toi la gorge. Ouais. Ouais, alors j'adore le Finistère, vraiment c'est la meilleure là, région. Il le fait bien. T'es en train de faire de la gueule là en fait. C'est totalement fou. Il le fait vraiment bien. C'est vraiment que c'est. Bon, ouais, mais il lui faut un nom super vilain. Il lui faut un nom super vilain. Ils sont dans moi, qu'est-ce que t'en penses, Pétain? Toi t'avais Métabof, je propose Métabof. Metabouf, ouais. Metabouf, c'est pas mal, Metabouf. Vraiment, non, vous voulez pas toujours Sergueï, Iliev, Vladimirovitch, Prestov. C'est long. C'est un peu long. Parce que moi, j'aime bien. Mais rien que le nom de méchant de Pétancourt, c'est insupportable. Naruto. Ouais. Bah, ça fait mon nom, hein. Oui, non, mais voilà, mais tu sais bien que les gens n'arrivent pas à le prononcer. Bah, ça fait. Mais c'est trop insupportable, mais moi, j'arrive sans problème. Mais moi, j'arrive pas. Essaye. Non. Après, c'est. Rexusin Bull. Ouais, mais avec Suzine Moule, voilà, bon. Bon, c'est connoté. Alors, moi. Moule. C'est le moule, tu vois, ça. Je suis du Finistère, je suis pas voisin, mais. Moule, ça fait Bretagne, excuse-moi, c'est pas à l'ordre du jour, on est en 2020. Bah, quoi, il faudrait que The Fend. Bon, bref, après en le prénom du petit, Pétoncourt. Bon, maintenant qu'on a le petit qui nous rejoint, il faut quand même qu'on trouve un petit truc à faire pour la. Pour les prochains jours, quoi. Non, mais. Un truc de méchant, quoi. Édition, ouais. Un petit truc, ouais. Pourquoi pas, ouais. T'as des idées, toi? Peut-être tu peux venir à des idées, j'en sais rien. T'as des trucs. Infiltrer le ministère? Non, mais parle pas comme ça, c'est insupportable. Hein. Vraiment, j'ai pas envie de t'entendre. Qui fait que t'as envie d'interpréter? Là, c'est quoi ton premier coup? Là, tout de suite, tu réfléchis pour vous. Bim, bon, premier rôle. Voilà. Oh, mais non, il chiale, putain. Est-ce que ça te plairait de jouer un méchant? Par exemple, tu joues Brad Pitt qui joue un méchant dans un film. Comme ça, ça te forme à être méchant, non? Attendez, j'ai une idée. Fais Dark Vador, c'est méchant, ça. Oui, mais Dark Vador. Dark Vador, personne ne va y croire. Non, il faut quelqu'un de réel. Ouais. Edouard Philippe. Ça se tente? Mais j'ai pas la peur, bon. Mais s'est encore planté un couteau. Oh, oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas vrai. Il se plante toujours des. C'est pas moi qui nettoie cette semaine. Bon, hein. Non, c'est de la moquette. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça me détend. Oui, bon. Voilà, exactement la raison pourquoi on peut pas te mettre au pôle communication. Mais oui, c'est tu peux pas te planter devant les gens et leur donner confiance. On est que deux à avoir un cerveau là? Trois? Je sais pas. T'as peut-être un cerveau, t'as aucun charisme. Excuse-moi. Mais comment ça? Mais c'est ça la prendre des ventes ou quoi? C'est gentil. Ouais, je me plante le cœur justement pour lui là. Mais bon, écoute, le nouveau. De bravoure qui est très apprécié, je te remercie. Bon, c'est vrai que c'est attentif, défiant quand tu causes comme ça, mais. Ah, mais il est ultra chiant. Oui, mais il peut avoir tous les charismes du monde, vous comprenez pas. Mais il le fait il peut pas. Être n'importe qui. Le nouveau, il est bien, il a des qualités, mais je le sens pas, vraiment. Allez, s'il te plaît. Prouve-moi que tu prouve-moi d'abord. Non, mais moi je veux bien qu'on le garde en test. On le met en équipe avec Rexusine, okay. Ils font équipe, tu vois, ils ont l'air de bien s'entendre, bon. Voilà, bon. Et... D'accord, à une condition, le nouveau, tu fermes ta gueule. Ouais, voilà. Sous ta forme originelle, tu fermes ta gueule. Ouais, c'est insupportable. Je veux pas t'entendre sous autre voix que Bernard Montiel, des gens classe, quoi, enfin... Patrick Poivet. Je sais pas qui c'est. La voix de Bruce Willis. On pourrait attaquer le QG des gentils, hein. Des gens. Oui, bon, après. That's a good damn good idea, got there! Voilà! Là, on l'a! Voilà! Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour ça, mon grand? Ah, putain, il est incroyable! Quand il a passé. Quand il est pas du tout. Get one! Come on, get! Over there! Je dois juste dire que le QG des gentils, c'est pas dans le Finistère, c'est hors de ma juridiction. Mais c'est pas grave, le Finistère, c'est une très belle région. Quand tu commences comme ça, avec tout le drap de Breton, tu peux faire un tour dans le Grand Lodge? Tu te rappelles, il y a deux minutes quand je t'avais dit de fermer ta gueule. Je suis désolé, je voulais pas. T'es nouveau, je te rappelle. Bon. Laisse-toi pas faire. Laisse-toi pas faire, croc. Je suis un vétéran, moi. Hein. Bon. Je peux être un petit chien. Moi, je trouve que attaquer le QG des gentils, voilà. C'est pas... un peu frontal. C'est un peu frontal, ouais. Ouais, sinon, ouais. On est méchant, mais voilà, on prend notre temps. Et on a la chance d'avoir un métamorphe qui pourrait les infiltrer. Ah, bonne idée. Mais ouais, depuis quand vous êtes d'accord que le QG des gentils, ça réunit les plus grands gentils? Oui. Là, le QG des méchants, ça réunit les plus grands méchants? Oui. Bon, depuis quand on est méchant, mais pas trop? Un peu de moutarde, mais plus mayonnaise? À quel moment t'es tempéré? Il faut frapper au QG des gentils si on veut faire un grand coup. Mais oui, mais on frappe. Ça sert à rien d'être méchant si on fait que perdre. On n'aime pas perdre. On est les méchants. Je propose, écoutez bien, une infiltration souterraine du métamorphe en taupe qui nous fait arriver direct dans la salle des ordinateurs. C'est un bon plan. Mais tu sais te transformer en animal? Waf. Il fait bien le chien. Pas mal. Mais il y a juste la voix en fait qui reste. Je suis obligé de. Très bien la mandarine. Je suis obligé de rester comme ça. C'est assez flippant. Là c'est un chien qui a la voix. Bon. Une fois que tu es en taupe, tu creuses jusqu'à sous la salle des ordinateurs. Moi, je peux me dégoter un hacker. J'ai un gars à la mairie, l'IT assistant. c'est 2020. Moi aussi, j'ai un ordi chez moi. Tu sais, Bon. On craque leur code. Ouais. On fait péter la salle des serveurs. Ouais. Tout s'éteint chez eux. Tout s'éteint. Ok. Monsieur la limace. Ouais. Condamne les portes. Condamne les issues. Grâce à sa bave. Grâce à sa bave. Ouais, ouais, et son belle. Physique rebutant. Franchement, tes glavios ils ont l'air super. Je t'autorise à utiliser les 36 couteaux que t'as dans le dos pour te défendre. Ah non, ça fait cadeau. Ouais, continue. Ouais. Bon, c'est religieux apparemment. Qu'est-ce que tu proposes ensuite pour la suite? Écoute, moi je pense qu'on peut les piéger. Moi, oui. J'ai la capacité de me faxer. C'est-à-dire. C'est vrai que je vous l'avais pas dit, mais ça peut servir. C'est vrai, le fameux faxman. Pipa, oui. Papa, la pop. Bon, je préfère Lord Sylvain, c'est quand même plus classe. Ouais, bon. Mais j'arrive sous la porte en mode fax. Oui. Alors, ne condamne pas la porte dans laquelle il arrive. Pas le bas de la porte, en tout cas, je peux passer. On l'a fait qu'on s'entende. Quoi? J'ai rien compris. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on s'entende sur la porte. Oui, oui. Tu passes en fax. Et bref, c'est nous qu'on condamne. Oui, bah oui, parce que sinon. Ça va être n'importe quoi. Bon, je me faxe dessous. Pendant ce temps, l'homme taupe, tu rebouches le trou que t'as fait. Voilà. Ça serait quand même con de se faire choper là-dessus. Et là, après, je sais pas, là, je suis perdu après. Moi, je sais. Mais si t'es capable de te faxer, pourquoi tu passes pas par le fax des gentils? Bah... Parce qu'il sera éteint, on aura fait péter la salle des serveurs. Par contre, en tant que fax, en tant que faxé, plutôt. Que faxé, ouais, je préfère. S'ils ont plus de numérique, ils vont se rabattre sur le papier. Ils vont écrire sur moi. Et tu vas écrire sur toi. Et là, c'est le moment où tu les chopes à la gorge. Et là, ouais. Voilà. Ok. Et toi, tu sers à quoi? Quoi? Tu vas pas me dire que toi, tu vas être planqué dans le Finistère, comme d'hab. Écoutez, c'est la base mère. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Faut bien quelqu'un. Tu commences à me faire fier avec ton Finistère. Faut bien quelqu'un qui ait les clés, bordel. C'est beau le Finistère. Non, mais accompagne-nous. Ce sera l'occasion de se dégourdir les jambes. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement. Bon, le Finistère n'a jamais été un pouvoir. Mais bien qu'il reste quelqu'un. Il est timide, qui il peut passe, pas. Je dis. Mais t'as pas de pouvoir, en fait. Tu viens avec nous, au moins, tu pourras te dégourdir les jambes, c'est cool. Ouais, bon. Ça serait quoi ton pouvoir, toi? C'est quoi? Tu ne l'as jamais dit. Bon, les gars. Toi aussi, le nouveau. Ferme ta gueule, d'ailleurs, hein. N'oublie pas. Rappelle-toi. Le Finistère, c'est, comment dire, une seconde vie. D'abord, j'étais... Vertigo Mezzanine. Quoi? C'est quoi? Avant d'être Capitaine Finistère, j'étais Vertigo Mezzanine. Mais vous avez jamais entendu parler? Le vieux Vertigo Mezzanine, mais oui, oui, oui. Bon. Moi, je suis pas choqué, j'ai accès à tous les dossiers, je sais. Bon, voilà. Est-ce que tu peux nous le ressortir? T'as eu plein de comics et compagnie. Merci beaucoup. Oui, et tu t'es pas faxé dans les archives, tu sais pas que c'est moi? Bon, Vertigo Mezzanine, c'est quoi cette association? C'est celui-là, c'est ça. Ah. C'est bien, ça. J'ai la capacité, de matérialiser une mezzanine, et ainsi, une fois qu'on sera dans la salle des serveurs, nous faire monter par le toit, parce que par le trou de la taupe, on va nous attendre. Ouais. Mais dans une mezzanine, jamais personne n'ira chercher là-bas. Je reviens quoi après? Je fais quoi de... Je résume. Mais si la mezzanine existe, la taupe. La taupe, on passe en dessous. Blackout des serveurs. Tu te faxes. Effet de surprise, on les bute. Ils ferment les portes. On scelle les entrées et les sorties. Allez, pas que du fait là, parce que moi, c'est un fait. On sait. Genou mezzanine, on sort par le toit. On est bonheur. Et pas bête. Je plan c'est pas bête. Faire. T'es un véritable Napoléon du mal. Mais moi, ce qui me dérange... Bah, vous avez oublié de faire quelque chose. Attends, il a... Non, c'est juste qu'on fait toujours des actions de fanfouette. Juste, on fait quoi des gens qui sont dans l'immeuble? Ils sont morts. Mais on n'en est pas sûr. C'est pas en transformant en mezzanine qu'ils vont être morts. Bon. Mais c'est l'homme fax. Non, mais si vous voulez, je peux me transformer en le cliché de l'asiatique dans les films qui sait très bien faire l'informatique, tout ça. Mais je saurais pas aller. Je t'ai dit que j'ai un gars à Saint-Ouen. Je saurais pas aller. Tu crois qu'on est raciste? Ça ne va pas les anéantir. Comment? Ça ne va pas les anéantir d'un coup, comme ça ils seront forcément là à côté à faire. Oh, dis donc, courant et coupé. C'est clair que c'est. Je suis trois fois de fermer sa gueule. Ouais, bon. S'ils continuent de t'emmerder, je leur fous un coup de bave. Un coup de bave. Et on fait sécession. Bon. Un peu de sérieux. Pour moi, ce plan n'a aucune faille. Donc, on peut partir sur ce plan. Ouais, si on pouvait terminer vite, moi j'ai encore des tas de dossiers. Pas de tas paperasses à remplir pour le Finistère. Se confronter à eux quand même. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, avec. Moi, je dis ce que j'en pensais, j'ai assez ouvert. Bon, vous fuis. Voilà. Mais ça m'emmerde, c'est pas encore. C'est pas encore tout à fait. Tout à fait consistant votre histoire, mais bon. Allez. Vendu. Je peux. Non, allez, non, ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. Ah, non, mais là, tu fermes ta gueule. Bon, ça suffit. Pas le verre, le nouveau. Bravo. Waouh. Théo, il était formidable. Ouais. Enfin, Théo, sur Rick. Les deux Théo. Non, le con. Je vais mettre un point à l'équipe de Guigui, là, les rushs Guigui. Ouais. Déjà, avant tout, avez-vous placé vos mots secrets? Peut-être que ça va changer le score. Non, j'ai pas l'impression, puisqu'on a tous placé. Donc, donc, mais quels étaient vos mots secrets? Moi, c'était grognement. Je l'ai placé au deuxième, je crois, quand j'ai parlé des loups. Ah ouais, ça. Moi, c'était funiculaire. Je l'ai placé dans le premier quand on parlait des... En fait, c'est pour ça que j'ai amené les bus et je pouvais pas dire métro. Mais j'ai réussi à placer les funiculaires. Joli. Moi, j'avais cadenas quand je parlais de la boîte à jouets, quand j'étais Woody. Ah. Et j'avais dit, vous débarquez dans la crue, comme ça, vous enlevez cadenas. Vous débarquez dans la crue. Pas mal, bien joué. Et toi, Théo? Moi, c'était ameublement quand je parlais de la boîte à jouets. Ah ouais. Le sort qui nous a perdu, là. La 42. Il a pris la bretelle. C'est une victoire écrasante pour de La Roche Guillon. La Roche Guillon. Bravo les gars. Bravo. C'est mérité. Merci. Bravo à vous. À présent, on va passer au grenier d'Aprolix, ce lieu qui commence à être assez magique avec des étoiles filantes, un bar, une gourgandine, un clic-clac ou encore une guirlande et tout. Donc vous pouvez y déposer n'importe quoi. Qu'est-ce que vous y déposez cette fois? Et n'hésitez pas à faire des artworks. J'y pose une moquette vert de jade. Ok, ça marche. Un gros gramophone rouge. C'est joli, ouais. Tout ciré de peinture teintée. Je vais mettre un disque de Pink Floyd, du coup. Sur le gramophone. Oh, c'est bien, ça. Et toi, une hi-fi, une sono, non, je pensais plutôt à 5 ou 6 pots de cornichons dans le frigo. C'est vrai qu'il y avait un frigo. Ah bah oui. Faut pas le remplir, hein. Des gros cornichons, des petits cornichons. Les gros, là. Les gros. Avec un peu les de vodka, là. Tu sautes, c'est excellent. Voilà. Bah merci beaucoup, ça commence à faire pas mal de choses, mais ça prend du charme, c'est très bien. Donc, quelles sont vos actus à chacun de vous? Bah nous, l'équipe avec Jules, c'est le Powercast toujours, hein, qui continue sa petite route. La dernière fois qu'on était venu, il avait même pas un an, j'ai réécouté. Ouais. Du coup, maintenant, il a plus d'un an. Ouais, maintenant qu'on est là. En mars. C'est beau, putain. C'est un gros bébé maintenant. On va achever la deuxième saison. Voilà. Là, le prochain Powercast, ce sera le dernier de la saison. Ouais, tout à fait. Avec peut-être les deux loustiques. Peut-être avec des gens autour de cette table. On n'a pas. Voilà. Voilà, et puis sinon, Turbo Rire 2000, notre chaîne YouTube où on fait des courts-métrages. On en fait pas beaucoup pour l'instant, mais. Alors là, on a fait un court-métrage. Voilà. Qui s'appelle Reportage. Entretien avec un fantôme, pardon. Et un petit deuxième qu'on va tourner dans une semaine. Théo? Bah, pas grand-chose en soi. Je fais mon petit bonhomme de chemin, quoi. On peut te retrouver dans la prochaine vidéo de Turbo Rire 2000. Et voilà, c'est ça. Peut-être une chronique dans Powercast le prochain aussi. Voilà. Et Théo? Oh bah à peu près pareil, parce que Théo et Théo font le même boulot, hein. Donc la saisie, ça y va. Et puis sinon, des petits projets, Missa va se retrouver aussi dans ce projet là puis sinon, oui, un petit clip qui va bientôt sortir aussi. Mais oui, c'est vrai, je suis vendu, voilà, le clip de Quentin Pouli qui s'appelle Ipsanox. Oui, c'est sur YouTube. Oui, normalement, voilà. Powercast saison 2. Réalisateur et musicien, du coup. Okay. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous suivre sur les réseaux sociaux? Donc, Instagram, Clem of the Dead. Instagram, Jules ISS. J'utilise pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'utilise Facebook uniquement pour parler, donc je n'ai pas. Retrouvez-le dans les faits. Ça me gonfle en fait, ça sert à rien. Non, mais ça marche. Pas de soucis, donc je couperai. Alors Théo, la rubrique Instagram, où je couperai pas. Prenez de quoi noter The Thin Wild Duck en référence au The Thin Wild Duke de David Bowie. Mais alors, attends, je suis un canard. D'ici que l'épisode sorte, t'auras peut-être un autre pseudo. Parce que le prochain pseudo, je crois que ce sera Charles traînait la jambe. Voilà, allez, bonne. Bah merci à vous, les invités, merci, bravo, vous avez été géniaux. Merci, c'était très cool. Merci pour vos retours au public sur l'épisode 4. Retrouvez-nous sur iTunes, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, PodCloud et YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles sur iTunes pour nous proposer des thèmes et villes et ou des personnages. Partagez sur les réseaux sociaux, mon Instagram est Fabien Robert tout attaché et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand c'est que vous nous écoutez. À très bientôt pour un prochain épisode de Improlix. Bye bye. Salut, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Salut les enfants.